trop de haine. Y'a que de la haine dans mon speech, que de la peine. Puis on speech, j'enchaîne les maquettes à la quête de la belle. Y'a peu de réponse à l'appel que je lance, donc je pense qu'il faut que je répète comment je m'appelle. La rime meurtrière, le flow assassin, le marmot agaçant. Posé sur une prod d'abas, j'apprends ma place en 2006, certains meurent encore de faim. Pourquoi c'est comme ça si Dieu existe ainsi, Jésus son dauphin. Y'a que de la haine dans mes cordes vocales. C'est pour ça que c'est la guerre et que je la gère une fois dans le bocal. L'âme remplie de tease, mon lard rempli de bédo. Mon âme posée sur disque, mon art est en vidéo. À peine majeur, et déjà le regard froid vide. Nous contre les Thalias, Goliath face à David. Les potes deviennent putains, Jacques sur les derniers potins. Pour éviter la potence, au chétan il roule des patins. C'est important, t'as laissé ta porte en rebailler, donc je rentre tant qu'il est encore temps. Trop de haine envers ceux qui retournent leur veste, qui disent qu'ils m'aiment, mais dans mon dos me retournent leur peste. Trop de haine envers les sistras qui nous assistera en temps de crise sur notre rive qui glissera. Parmi les tolérants qui nous défendra si le peine passe. Trop de haine, rien ne change, on est toujours à la même place. Car y'a trop de haine, des Yvelines hautes scènes. Saint-Denis se crédit quand on scène, tandis que les autres plaignent. Val-de-Marne, Seine-et-Marne, les Sol Gang. Val-d'Oise, Paname, en Ile-de-France, gros le sol saigne. Y'a trop de haine, des Yvelines hautes scènes. Saint-Denis crédit quand on scène, tandis que les autres plaignent. Val-de-Marne, Seine-et-Marne, les Sol Gang. Val-d'Oise, Paname, en Ile-de-France, gros le sol saigne. J'ai trop de haine, avec ma plume, je suis armé. Tu sais, chez nous, parfois on pardonne, on n'oublie jamais. L'amitié, ça doit être réciproque. C'est pas de la pitié, je t'explique cela dans mes récits propres. Dans l'été, si bloc, c'est déprimant. Il manque les sous, les déguisements, ça nous rend fou. Et ça, c'est à notre détriment. Vu qu'on ne brasse que des pièces sans team. Avec ça, l'avenir est impensable comme une thèse sans crime. Vu que de nos jours, l'illicite domine le dièse. Donc ça vise nuit et jour pour entrer plus vite le pèse. Pour être celui qui pèse, lourd en bise. Les mecs toujours en crise, les règles se brisent. Donc la thèse nous tient sous son emprise. Les murs ne changent pas, c'est dur mais ne flanche pas. On peut tout soigner par l'habitude, ça je ne pense pas. Trop de haine envers la colonisation. La soi-disant civilisation a tué bien trop de population. Pour ça qu'on a le seum, qu'on vit en soum soum. Qu'on album assomme et que ce titre là je l'assume sum. J'ai mal au cœur, trop de rage envers le bluff. Trop de tâches derrière le blush. Trop de frères en cage à cause des keufs. À cause du mauvais œil dans le hall on est sur le mauvais seuil. C'est le palier du chétan où les frères cannes on porte un mauvais deuil. Rage et haine comme 13 et 16. La télé attise les braises et ne cesse de faire nager les cerveaux dans une merde épaisse. On a nos torts aussi, tu pars corps ici. Tu juste vrai, appelle sa belle poésie. Renoir, on a nos torts aussi. Tu pars corps ici, tu juste vrai, appelle sa bonne poésie. Car y'a trop de haine, des Yvelines hautes scènes. Saint-Denis se crédit quand on scène, tandis que les autres plaignent. Val-de-Marne, Seine-et-Marne, les Sol Gang. Val-d'Oise, Paname, en Ile-de-France, gros le sol saigne. Y'a trop de haine, des Yvelines hautes scènes. Saint-Denis se crédit quand on scène, tandis que les autres plaignent. Val-de-Marne, Seine-et-Marne, les Sol Gang. Val-d'Oise, Paname, en Ile-de-France, gros le sol saigne. En somme, trop de seum décime notre sphère. Les regards se croisent, la fierté pousse nos frères à la guerre. Trop de haine à croire que ça tombe comme la pluie en Asie. Les meurtres trouvent la légitimité dans l'euthanasie. La souffrance insupporte pour nombre de personnes. Personne, l'alarme comme le chômage t'emprisonne. C'est la zone, dans le quartier, dans les banlieues de l'hexagone. Les putes, les soumises de la connerie qu'elles affectionnent. Collectionnent, bêtise sur bêtise. Les moins de 15 ans optent pour le suicide. C'est bien la crise, les logements sociaux poussent aussi vite que les paraboles, on va le fourrer. Effaré quand les caricatures touchent les autres prophètes adorés. Où sont les limites, où sont les parcours qu'on évite. Dans la déchéance, on descend un peu trop vite. Hardcore comme un journaliste décapité. Vous savez qu'ici trop de haine, donc vous l'avez bien cherché. Car y'a trop de haine, des Yvelines hautes scènes. Saint-Denis se crédit quand on scène, tandis que les autres plaignent. Val-de-Marne, Seine-et-Marne, les Sol Gang. Val-d'Oise, Paname, en Ile-de-France, gros le sol saigne. Y'a trop de haine, des Yvelines hautes scènes. Saint-Denis se crédit quand on scène, tandis que les autres plaignent. Val-de-Marne, Seine-et-Marne, les Sol Gang. Val-d'Oise, Paname, en Ile-de-France, gros le sol saigne.